petite étudiante gauchiste, amoureuse d'un CRS, racontait à des maoïstes comment elle connut ses caresses. La première fois que je l'ai vue au quartier latin dans une rue, j'avais un pavé dans la main et lui sa matraque en pitch-pain. Mais comme il avait du maintien, il m'a tendu ses bras câlins. Puis on est allé à Beaujon voir si fleurissaient les bourgeons. Oh, oh, oh, oh, oh, mais comme il fait bien l'amour. Oh, oh, oh, oh, mais de c'est pour toujours. Oh, oh, oh, mais comme il fait bien l'amour. Oh, oh, oh, oh, de c'est pour toujours. Une petite étudiante gauchiste, amoureuse d'un CRS, racontait à des anarchistes comment elle connut la tendresse. Et puis un jour on s'est revu à la Sorbonne au mois de mai. Elle avait son petit casque en alu et son uniforme cintré. Tout content de me retrouver, gentiment il m'a chahuté. Il m'a dit j'aime bien la jeunesse, c'est pour ça que je suis CRS. C'est bien l'amour. Oh, oh, oh, oh, oh, de c'est pour toujours. Oh, mais comme il fait bien l'amour. Oh, de c'est pour toujours. Une petite étudiante gauchiste, amoureuse d'un CRS, racontait à des trotskistes comment elle connut l'allégresse. Maintenant on ne se quitte plus, c'est lui qui vend lutte ouvrière. Moi j'astique son casque en alu pour qu'il brille bien à la lumière. Il m'a dit qu'on allait se marier, tous mes amis sont invités. Mais comme il y aura aussi les siens, je sais qu'on s'amusera bien. Oh, oh, oh, oh, mais comme il fait bien l'amour. Oh, oh, oh, oh, nous deux c'est pour toujours. Fais bien l'amour, oh, nous deux c'est pour toujours. Oh, oh, oh, oh, oh, et comme il fait bien l'amour. Oh, oh, oh, oh, oh, nous deux c'est pour toujours.